J'suis dans le quartier, lunettes quartier. Comme mon sang, j'ai tout est carré. Que de roubiller, tout est calé. Dans le cendrier, j'suis de manœuvre. J'suis délice la clientèle, faut plus que la veille. J'ai vidé la taille, mais j'veux partir en paix. Non, j'vais pas la fiancer, j'ai le cœur piraté. J'ai vidé la taille, ma chérie, on vit la nuit. J'ai passé mon temps dans le sale. Bosseur en place, j'ai mis la peçu dans le 5. Bonbonne de sécheur, plus que j'ai char du local. J'suis dans le classe SAMG, j'remercie le sale. J'suis marié à la street. J'suis marié à la street. J'suis marié à la street. J'suis marié à la street. Salam ou bien salut, on s'est quitté sur ces mots. Il faut plus d'un million d'euros pour soigner mes mots. Sur ces mots, il faut plus d'un million d'euros pour soigner mes mots. Bébé, je suis toujours bloqué en bas. Compte des rues, fais tête à tête dans le bas. Gucci Fen, dis ça fait d'autres en bas. Que de la D, genre le bank tire dans le tas. Toujours pas sorti de la demeure. J'vends 09, toujours pas lavé sur la mer. Je comptais violer par milliers. J'veux que du neuf à l'ancienne, 5 suffisait. J'ai pas changé depuis billet vert. J'ai 2-3 meurs pour te faire. J'ai 2-3 qui t'a de billet vert. J'ai 2-3 amis sous terre. J'suis marié à la street. J'suis marié à la street. Sur ces mots, il faut plus d'un million d'euros pour soigner mes mots. Salam ou bien salut, on s'est quitté sur ces mots.